c'est la deuxième tranche de la Coupe du monde de patinage de vitesse. Et c'est un boni pour les patineuses et les patineurs du secteur, puisque à prime abord, ils ne devaient pas participer, mais finalement, à une aide de dernière minute du Comité international a fait en sorte, pas du Comité international, mais de la Fédération québécoise, a fait en sorte que Cassandra Baudette et Valérie Maltais sont là-bas. Et question de savoir davantage, on rejoint de la Fédération de patinage de vitesse et notre collaborateur François-Olivier Robert. Salut François. Salut. François, évidemment, on a des premiers résultats concernant Cassandra Baudette. C'est plus celle qui nous intéresse parce qu'on est plus dans le secteur de Saint-Félicien. Je pense que ça a été quand même assez positif. Hein? Oui, au 500 mètres, qualifiée pour les quarts de finale avec le 9e temps. Donc, elle a fait ce qu'il fallait. Là, aujourd'hui, là, je le rappelle à chaque fois qu'on se parle les vendredis, mais le but du vendredi, c'est d'essayer de passer aux prochaines étapes sans devoir passer par les repêchages. Donc, si on a une mauvaise course, notre compétition n'est pas pour autant finie sur cette distance-là, mais il faut passer par les repêchages le samedi matin ou le dimanche matin. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, aux 500 mètres, Cassandra a fait ce qu'il fallait. Donc, elle passe aux qualifications quart de finale avec le 9e temps. Par contre, au 1000 mètres, il y a 2000 mètres en fin de semaine, donc au 1000 mètres 1, où elle est inscrite, là, elle va devoir passer par le repêchage. Donc, elle va pouvoir se reprendre pour avoir une chance de passer en demi-finale par la suite. Mais c'est juste que le parcours est un peu plus long dans ce temps-là. Okay. Donc, une course sur deux, top. Puis, j'ai pas vu les courses, par contre, je sais pas ce qui s'est passé. Mais côté résultat, c'est sûr qu'elle est contente du 500 mètres. Ah, c'est bon, OK. Et rappelons que Marianne et Charles Hamelin ne sont pas là. Charles, je l'ai entendu au 91.9 ce matin en entrevue. Eux, on décide de prendre une pause, c'est ça? Oui, parce que eux, en fait, ils visent des médailles au championnat du monde qui est à la mi-mars. Mm-hmm. Donc, plus que des médailles, là, je pense qu'ils se le cachent pas, qu'ils veulent pas mal être champion du monde. C'est un gros objectif, mais Charles, c'est pas mal la seule chose qu'il a pas remporté dans sa carrière, oui. C'est le titre de champion du monde sur toutes les distances au cumulatif. Mm-hmm. Marianne l'a pas remporté non plus. L'an passé, elle a remporté un titre dans une distance, mais là, c'est sûr que le titre au général, c'est quelque chose qui les intéresse. Puis eux, ils jugent qu'avec leurs entraîneurs, là, la préparation pour eux passe pas nécessairement par la Coupe du Monde de cette fin de semaine. Donc, eux sont de retour à Montréal avec Samuel Girard aussi, puis Charles Cournoyer. Là. Les quatre sont revenus à Montréal pour peaufiner leur entraînement. Ils ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin de la Coupe du Monde. Puis, c'est ça. Charles puis Samuel Girard ont fait la même chose l'année dernière. Donc, c'est un truc qui semble bien leur réussir à eux. OK. Parle-moi maintenant de Marie-Ève Dorey. Il se passe quoi avec elle? Je sais pas. Ben, elle est revenue. Elle était supposée être à Minsk en fin de semaine pour la Coupe du Monde. Là. Elle aussi, elle était en Allemagne la semaine dernière. Elle devait faire le voyage en Biélorussie avec les autres. Puis la semaine dernière, elle est tombée lors de la compétition. Question de prévention. Là, elle se serait blessée un peu. Préventivement, elle est revenue au Québec, elle est revenue à Montréal pour pas faire une semaine de compétition puis pour pas moins s'entraîner. Mais j'ai pas plus de nouvelles que ça. Je peux pas en dire plus. J'imagine que ça va bientôt nous arriver. Là. Mais j'espère que c'est pas si mal dans son cas. Là. Je sais pas. OK, OK. François, on s'en parle pour analyser tout ça le lundi. Oui, certain. Puis juste pour finir, nos équipes de filles et hommes au relais ont passé sans embûche là, pour la finale. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ben, on va pouvoir en parler lundi. Ben, merci beaucoup, puis on s'en reparle. Merci. Donc, de patinage de vitesse, c'est notre collaborateur, François-Olivier Robert.